nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pensez à Anthony Perkins, à son visage. Mais oubliez l'Anthony Perkins de Psychose. Et en fait, non, ce n'est pas Anthony Perkins que nous allons entendre dans Cinéma pour les ondes, c'est l'acteur français Le Doublan. Très grand acteur lui-même et parfait pour le rôle de celui qui dira, bientôt, cynique, le fantôme adore manger froid, ça le change de l'enfer. Le couteau dans la plaie, nous sommes au début des années 60, on prend l'avion à Orly, quelques dizaines de minutes doivent suffire pour quitter Paris et se rendre à l'aéroport, on danse le twist et l'on entend aussi de l'accordéon parce que nous sommes en France et que la production est franco-italienne. Cinéma pour les ondes, première diffusion sur Paris Inter, le 15 janvier 1963. Ambiance, suspense. Roger Régent et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Le couteau dans la plaie, film d'Anatole Litvak. Avec Sophia Loren dans le rôle de Lisa MacLean, Anthony Perkins, Robert MacLean, Gig Young, Denis Berthet, et avec la participation de Jean-Pierre Aumont, Elina Labourdette, Pascal Robert, Jacqueline Porel, Mathilde Casadesus. Dans la version française, le rôle de Robert MacLean est synchronisé par Jean-Claude Brialy, celui de Denis Berthet par Claude Dauphin, tandis que Sophia Loren se doublait elle-même. Dialogue de Maurice Druon, musique de Mikis Theodorakis, commentaire radiophonique dit par Jacqueline Claire. Collaboration technique, René Relot. Qu'est-ce que tu fais là? T'as manqué ton avion? J'ai changé d'avis, simplement. Mais tu ne devais pas être à Casablanca demain matin? Si. Oh, Bob, quand vas-tu cesser d'être un gosse? Où as-tu mis la voiture? Tout de suite à gauche, dans la petite rue. Tu pouvais me téléphoner. Je t'avais dit que je dînais chez Barbara. Après, ils ont absolument voulu aller danser. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Tu veux conduire? Ce jeune homme qui n'a pas pris l'avion de Casablanca a retrouvé sa femme et l'a giflé, c'est Robert MacLean, Bob pour ses amis. C'est un Américain. Ancien aviateur de l'US Air Force, il habite maintenant la France avec sa femme, Lisa, une très belle Italienne de Naples, qui travaille dans une grande maison de couture parisienne. Bob MacLean est un grand enfant, jaloux, faible, un peu égoïste, charmant parfois dans ses divagations et ses délires, il est le pire des maris, et le couple qu'il forme avec Lisa se désunit chaque jour davantage. Après l'éclat qu'il vient de faire, Bob, qui avait laissé Lisa rentrer seule, revient chez lui au milieu de la nuit, tout repentant, tout gentil. Ciao. Pas moyen de trouver un taxi. Ils sont jamais là quand on en a besoin. Bon, d'accord, je me suis conduit comme un idiot. Je te fais mes excuses, voilà. Bah, dis quelque chose au moins. Oh, Lisa, ma chérie. La plus belle fille qu'on ait jamais trouvée dans le plus affreux des faubourgs de Naples. Pardonne-moi, je t'en prie. Lisa, tout ça, c'est parce que je tiens beaucoup trop à toi. Parfois, comme ce soir, je me dis que je pourrais te perdre. Alors je deviens un peu dingue, faut croire. Lisa, si jamais tu me laissais tomber, je ne sais pas ce que je ferais. Lisa est excédée par l'instabilité de ce mari-enfant qui ne saura jamais prendre conscience de ses responsabilités. Aujourd'hui, en accompagnant Bob à Orly, il s'est finalement décidé à prendre l'avion pour Casablanca, elle est décidée à en finir. À propos, je rentre mardi à 1h, vol numéro 511. Tu crois que Barbara te laissera un peu de temps pour venir me chercher? Je ne sais pas si tu me trouveras ici mardi, Bob. Pourquoi? Oh, Bob, c'est sans espoir, tu le sais. Mais Lisa... J'en ai assez, je n'en peux plus. Il faut en finir. Tout ça à cause d'hier soir? Mais non, ce n'est pas seulement hier soir. Il faut regarder les choses en face une fois pour toutes. Bob, notre ménage n'a jamais été un vrai ménage. Ce n'est pas ta femme que je suis, c'est ta nourrice. Ma nourrice, mais il n'y en a pas d'aussi belle. Oh, Bob, je t'en prie. Oui, oui, je sais, je ne suis qu'un raté. Tu as raison, nous sommes un drôle de couple. Mais même si tu t'en rends pas compte, tu as autant besoin de moi que j'ai besoin de toi. Mais oui, ma chérie, c'est cette sorte d'amour qui fait tourner le monde. C'est pas toujours très rond, mais quand même, il tourne. Attention, s'il vous plaît. Les passagers de la compagnie Afroair à destination de Casablanca et Dakar sur le vol numéro 480. C'est ton avion, Bob. Et quelqu'un d'autre, Lisa? Non, tu le sais. C'est tout simplement... Que quoi? Allons, Bob, tu vas être en retard. Ok. Mais tu me promets que tu ne feras rien jusqu'à mardi? Oui. Dis-moi quand même au revoir. Au revoir, Bob. Bon, embrasse Barbara pour moi. Oh, mais au fait, j'espère que c'est Barbara parce que... si jamais c'est un homme, je pourrais bien... Bang, bang. Après cette pénible scène de séparation à l'aéroport, Lisa va chercher quelque réconfort auprès d'Alain, un ami de Bob et d'elle-même, et c'est là qu'elle apprend par les journaux du soir la catastrophe aérienne au cours de laquelle, dans l'après-midi, l'avion de Casablanca s'est écrasé dans les Landes. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de survivants. Lisa ne peut effacer de son esprit cette scène de rupture à Orly, qui fut sa dernière conversation avec son mari. Pendant 48 heures, son amie Barbara ne la quitte guère et l'aide à remplir toutes les formalités qu'entraîne cet accident. Une nuit, alors qu'elle essaye en vain de s'endormir, un bruit suspect attire son attention. Qui est-ce? Qui est là? Ciao. Bob! N'aie pas peur, chérie. Ce n'est que moi. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, toutes sortes de choses. Enfin, l'important, c'est que je sois là. Tu es blessé? Un peu. Rien de grave. Ta figure. Si tu m'avais vu il y a 2 jours, j'étais pas beau. Faut tout de suite appeler un médecin. Non, non, non. Pourquoi non? Non, pas de médecin, plutôt un verre de cognac. Oui, attends. Tiens. Merci. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Hein? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu aurais pu m'appeler. Oh, ça, des tas de raisons. Ou plutôt, non, une seule raison. Quelle raison? Une chose après l'autre. Tu veux bien, chérie? Il n'y a rien à manger à la maison? Mais si, voyons tout de suite. Voilà. Merci. Tu veux peut-être que je te fasse quelque chose de chaud? Ah, c'est très bien. Le fantôme adore manger froid. Ça l'échange de l'enfer. Ah, c'est fou les blagues qu'un avion peut faire avant de s'écraser. Le mien a commencé par se délester de moi par une sortie de secours. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a fait. Bang ! Et moi, voilà, aplati tout seul sur une colline noire comme de l'encre. Pendant qu'un peu plus loin, le monde entier semblait éclater en flammes. Ah, pauvre mec, je me suis dit. Puis j'ai réfléchi. Pauvre Bob McLean. C'est trop bien que c'est la chance qui te fait enfin un clin d'œil. T'as une cigarette ? Je ne crois pas qu'il en reste. Tu sais, je n'ai pas pensé à en acheter depuis ça que te fait tu... rien. Attends, je vais t'aider. C'est pas mal, la vie tout de même. Hein? Qu'est-ce que tu as à la jambe? Rien qu'une écorchure. Ah, eh bien, ça va mieux. Hein? Contente de revoir son pauvre petit mari? Oh, Bob, je vois que rien ne te changera. Oh, mais si, ne crois pas ça. L'espèce de pauvre hurluberlu que tu avais pour mari. Liquidé, mon chéri. Place au nouveau Bob McLean. Ah, j'ai toujours dit qu'une assurance, ça porte bonheur. 60 millions de francs. Tu te rends compte, hein? C'est un joli paquet. Mais de quoi parles-tu? Tu ne saisis pas? C'est pour ça que je t'ai pas appelé. Personne ne sait que je suis vivant et personne ne va le savoir. Oh, ma Lisa, mon ange, je te couronnerai de diamants et de rubis. Je te couvrirai de zibelines. Je t'achèterai un yacht tout doré avec des tas de voiles et un palais au Cachemire. Les avoir pour rien, tu sais, ces jours-ci, les palais au Cachemire. Lisa. Lisa. Ne dis rien à personne. Laisse-moi un peu de temps et tout sera merveilleux pour toi. Et ton mari, tellement neuf, tellement riche, tellement mort, il t'adore. Le plan machiavélique échafaudé par Bob va jeter le ménage MacLean dans une vie de mensonges et d'inquiétudes. Lisa voudrait échapper à ce terrible engrenage, mais Bob lui inspire à la fois du dégoût et de la pitié. Comme elle le disait à Alain 2 jours plus tôt, elle se trouve désarmée quand son mari la regarde avec son sourire de gosse perdu. Bob a de vilaines plaies au visage et aux jambes. Dès le lendemain matin, Lisa va acheter des médicaments d'urgence chez le pharmacien et revient près de Bob. Tu es sûr qu'elle t'a pas vu rentrer? Madame Duval? Non. C'est une chance. Pourquoi? Une cigarette. Elle sait que tu ne fumes pas. Il va falloir faire attention au moindre détail. Écoute, Bob, j'essaie de me persuader depuis hier que c'est encore une de tes histoires de fou. Mais tu es sérieux, je vois. Dis donc, ça vaut la peine d'être sérieux quand il s'agit de 60 millions. Tu as ce qu'il faut pour ma jambe? Oui. Tiens, mets-toi là. J'ai rencontré Phil Wade à la pharmacie. J'aurais pu tout lui raconter, mais je n'ai rien dit. Parce que c'est toi qui as commencé tout ça. Et c'est toi qui dois le terminer. Bien sûr, chérie. Quand on entreprend une tâche... Oh, je t'en prie. Bob, tu devrais remercier le ciel d'être encore en vie. Cesse de rêver à cet argent qui n'est pas à toi. Tu gagnes bien ta vie, tu as un bon job. Quel job? J'ai plus de job. Ils m'ont foutu à la porte il y a 15 jours. Ça suffit, Bob. Ça te sert à quoi de toujours mentir? Je te le jure sur mon cœur. Il y a eu un petit trou dans la caisse, on n'a pas pu le mettre sur mon dos, mais... S'ils t'ont fichu à la porte, pourquoi t'ont-ils envoyé à Casablanca? Je n'étais pas envoyé, j'avais quelqu'un à voir pour une autre place. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? La face, chérie, la face, celle que l'on tient à sauver devant les personnes qui vous sont chères. Tu commences à saisir. D'une part, un pauvre chômeur le mari avec une réputation un peu compromise, et de l'autre, un petit paquet de 60 millions. Lisa, la grosse chance, elle se présente qu'une fois dans la vie. C'est la nôtre. Tu vas voir comment nous allons... Non, c'est fini, Bob. Je te l'ai dit à l'aéroport. Oh, cette petite grisonnière. Veux-tu que je te dise tout, Bob? Quand tu allais pour t'embarquer et que tu m'as fait ton petit ciao comme d'habitude, j'ai souhaité que tu ne reviennes jamais. Tu as pensé ça? Oui, Bob. Oui, oui. Ben, si on en est là... Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter, hein. Ok, chérie. Tu veux en finir? Je vais pas t'en vouloir, c'est déjà bien beau que tu m'aies supporté si longtemps. Mais Lisa, moi, qu'est-ce que je deviens? Tu vas pas m'effacer comme ça, non? Tu sais, ça va pas être simple pour moi de retrouver du travail. L'histoire de fric dont je t'ai parlé, c'est un peu plus grave que je ne t'ai dit. Allô? Oh, Barbara! Oui, ça va beaucoup mieux. Oui, oui, je l'ai trouvé. Oui, sûrement. Oh, non, non, c'est inutile. J'essaierai de passer à la boutique. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle avait peur que j'oublie le rendez-vous avec l'assurance demain. Voyons, Lisa, essaie de réfléchir, chérie. Avec 60 millions, je vais pouvoir enfin foutre mon camp d'ici et recommencer tout quelque part ailleurs. À Tombouctou, s'il le faut. Et comme ça, tu seras enfin débarrassé de moi. C'est bien ce que tu veux. Et puis tout ça est tellement simple. Et en plus, sans aucun risque. Tu sais pourquoi? Si jamais ça tourne mal, je refais surface. Vraiment, désolé, chère assurance, mais j'étais atteint d'amnésie. Tu as le temps d'y penser, rien ne presse. Ne me réponds pas tout de suite, réfléchis, c'est tout. Ce serait un petit cadeau d'adieu, quoi. Lisa est maintenant prise dans le terrible jeu. Convoquée à la compagnie d'assurance, elle se présente, signe les papiers qu'on lui tend, produit ses pièces d'identité. Elle est maintenant, qu'elle le veuille ou non, Madame Veuve MacLean. Quant à Bob, il reste terré dans l'appartement, évitant soigneusement de répondre aux visiteurs ou au téléphone. Mais un jour, il est seul dans la maison, voici que fait irruption par la fenêtre de la cuisine un gamin de 7 ou 8 ans, vêtu en cow-boy. Oui. Je m'appelle Gérard, moi, et vous? Oh, moi, j'ai toutes sortes de noms. Je vous dérange? Pas du tout. Tant mieux. Dites donc, ça m'a demandé un bout de temps pour vous repérer. Déjà hier, j'ai essayé de venir, mais papa m'a appelé. Où est-il ton père? À son bureau. Hier, il est rentré plus tôt, mais d'habitude, je suis seule. Mais ta mère, elle est pas là? Oh non, elle voyage tout le temps. Il n'y a pas un coca là-dedans? Si, si, il y a du coca, du lait de girafe, des œufs d'autruche, des quartiers de lune. Je prendrai un coca. Et voilà. Je vous ai drôlement eu l'autre jour avec ma glace, hein? Oui, oui, oui, tu m'as eu. Laissez, laissez, je le prends nature. Dis donc. Et l'école, tu y vas pas? J'ai eu la varicelle. Ça y est, maintenant je suis guérie. Mais j'ai pas le droit de retourner à l'école avant 2 semaines. Je suis en quarantaine. Vous aussi, vous êtes en quarantaine? Oui, oui, c'est un peu ça. Je m'en doutais, parce que j'ai remarqué que vous sortiez jamais. Écoute, Gérard, tu saurais garder un secret? Bien sûr. Tu jures de rien dire? Oui, je te jure. J'ai tous les gangsters de Chicago après moi. Tous les gangsters de Chicago? Oui, et si jamais ils m'attrapent, ta-ta-ta-ta-ta-ta! Sans blague. Alors pas un mot, hein. Parce que n'importe qui, tu entends n'importe qui, peut être un espion d'Al Capone. Qui c'est Al Capone? Al Capone, c'est le patron, l'empereur, le plus fort de tous les gangsters. Il veut ma peau. Ben ça alors. Bon, peut-être que je ferais bien de me tirer. N'oublie pas, pas un mot, hein. Oh. Non, vous en faites pas. Un de ces jours. En attendant de toucher les 60 millions de l'assurance, le jeu de cache-cache continue entre Bob et les voisins, tandis que Lisa doit faire des prodiges de dissimulation pour ne pas trahir sa vie secrète. Un jour, elle va chez Alain, mais trouve dans l'appartement un ami du jeune homme, Denis Berthet, journaliste américain, installé là pendant l'absence d'Alain, parti pour les États-Unis. Denis se montre entreprenant avec Lisa, l'invite à déjeuner. Elle refuse. Enfin, un jour, elle accepte. Alors, voilà 2 poulets 3. Voilà, monsieur. Merci. Eh bien, vous voyez, nous y sommes arrivés. Évidemment, ce n'est pas là que j'aurais aimé vous emmener. Je n'ai que la rue à traverser, on y mange pas mal. Parfait pour se débarrasser d'un déjeuner ennuyeux. Ça va comme ça, mademoiselle Lisa? Oui, merci. Vous savez, c'est bizarre. Je n'avais vraiment aucune intention de venir à Paris. J'avais juste terminé un reportage quand j'ai rencontré Alain à Genève. Quelques heures plus tard, j'étais installé dans son appartement et vous êtes arrivé. Ce qui m'a donné à penser que vous faisiez partie de la maison. Mais manque de chance, c'était pas ça. Ensuite, nous nous sommes croisés en voiture. Pourquoi? Destin. Je sais. Toujours plus fort que nous. Mais ce n'est sûrement pas le destin qui vous a fait me suivre jusqu'à la boutique. Non, une simple et saine curiosité qui est la seconde nature de tout bon journaliste. Surtout quand une jolie femme en est l'objet. Et plus encore quand elle semble avoir des ennuis. Ah, comment êtes-vous arrivé à ça? Oh, une petite audition, une petite soustraction. Plus un coup de fil à l'étranger. Vraiment? À qui avez-vous téléphoné? Alain. Oh, assez adroit. Comment va-t-il? Bien. Il dit qu'à New York, il fait un temps de chien. Et qu'avez-vous découvert sur moi? Oh, pas grand-chose. Alors, c'est toutefois pour confirmer mes impressions. C'est-à-dire? Que vos ennuis existent bien. Lisa, bon, oh. Je comprends pourquoi on m'abandonne. Barbara Ford, Denis Barthé. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjeuné? Déjeuné? Et mon régime? J'accepterai volontiers avec un plaisir. Café. Un certain monsieur Duval t'a appelé. Il a dit que c'était très important. Oh, quand a-t-il appelé? Ça fait 1 heure environ. Oh, voulez-vous m'excuser un instant, je vous prie? Oui, bien sûr. Voilà. Eh ben, Lisa a réussi à vous tenir bien cachée. Il y a longtemps que vous la connaissez? Oh, beaucoup trop peu à mon gré. Tu as appelé? Oui, où es-tu? Je déjeune en face de la boutique. Avec qui? Barbara. Barbara, elle n'arrête pas de bouffer, celle-là. Écoute, bonne nouvelle. Il y a un télégramme de ma sœur. L'acte de naissance est en route. Allô, tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. Ça commence à prendre forme, hein? Tu sais ce que tu devrais faire? Passe à une agence de voyage. Tu sais la grande qui fait le coin près de la Madeleine. Je demande tous les renseignements pour l'Amérique du Sud. Lisa revient à la compagnie d'assurance, mais on lui annonce que les formalités seront plus longues que prévu, tous les corps de l'avion sinistré n'ayant pas encore été identifiés. La prime ne pourra être versée avant 1 mois. Cependant, les rapports entre Bob et sa femme sont de plus en plus tendus. Un soir, ayant dîné dehors, Lisa rentre tard et trouve Bob encore éveillé et qui a manifestement trop bu. Je croyais que tu dormais. C'est invité, hein? On a travaillé tard. Et ensuite, j'ai accompagné Barbara. Qu'est-ce que tu veux, inutile de m'expliquer. Pas de raison à donner aux fantômes. Oh non, un petit revenez-y de whisky pour un pauvre petit revenant. Tu n'as rien mangé ce soir? Non. Alimentation strictement liquide. Mais il y avait tout ce que tu voulais dans la frigidaire. Oui, mais la porte grince, le parquet craque et le gaz fait hop chaque fois que je mets l'allumette. Alors j'ai adopté cette petite chérie. Elle, au moins, elle ne fait pas de bruit. Tu en veux? Non, merci. Allez, allez, pourquoi pas. À la tienne, à la mienne, à la nôtre. Il faut fêter ça. Chère Madame Maclay, nous avons l'honneur de vous informer. De vous informer que le certificat de décès de votre mari a été envoyé. Blablabla. Signé le vice-consul, ambassade des États-Unis, Paris. Ça n'a plus être long tout ça maintenant. Et ce garçon exquis que tu vas perdre va faire le bonheur de Rio. Oui, c'est ma prochaine étape. Rio de Janeiro, perle du Sud. Je suis à toi. Oh chérie, elles vont te faire crever de jalousie, hein? Toutes ces belles senoritas de Rio, hein? Je t'en prie, Bob, lâche-moi. Lâche-moi, Bob. Bob, je t'en prie, oh non, tu ne vas pas recommencer tout ça. Bien sûr. D'ailleurs, on a conclu un marché, pas vrai? Tu as payé cher pour me liquider, de quel droit je me plaindrai? Oh, mon beau petit feu d'artifice napolitain. Marié 3 ans à un individu. Qu'il a transformé en iceberg. Non, rectification. Pas en iceberg. Un iceberg est pour 98% immergé. Et toi, t'es plutôt submergé, hein, chérie? Oh, Bob. Dis donc, tu sais qu'il est toujours ma femme. Et le devoir d'une femme est d'aimer son mari et de le chérir, même s'il est déjà rayé du monde des vivants, n'est-ce pas? Oh, Bob, si tu continues comme ça, je m'en vais, tu m'entends? J'en ai assez, je te jure, je ne reviendrai jamais. Tu peux crever de faim ou te rendre à la police, je m'en fous, je m'en fous! Tu as fait du chemin depuis Scafati, hein? Dis donc, on était tout sucre et tout miel à Scafati. Et dans ce temps-là, tu n'avais qu'une envie, quitter ton minable petit bled et n'importe qui avec quelques billets en poche. Qui est-ce? Je sais pas. Cette saleté de radio. Va ouvrir et sache que tu es là. Tandis que Bob file par l'escalier de service et se cache dans les étages supérieurs, Lisa va ouvrir sa porte par laquelle s'engouffre aussitôt une joyeuse bande d'amis décidés à l'arracher à sa tristesse et à l'emmener finir la soirée dans une boîte de nuit. Lisa se laisse convaincre, moins par plaisir qu'afin d'éloigner tous ces gens des parages où ils pourraient découvrir Bob. Parmi cette bande d'amis, il y a Denis Berthet. Il a l'œil fureteur, il a remarqué une cigarette encore allumée au fond d'un cendrier et un manteau d'homme suspendu dans l'appartement. Cette découverte suscite en lui d'amères réflexions dont il fait part à Lisa tandis que leurs amis dansent dans la boîte de nuit où la soirée se poursuit. C'est pas le twist? Oh non, pas aujourd'hui, merci. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes bouddhiste zen ou c'est supposé porter bonheur? C'est supposé porter bonheur. J'espère pour vous. Oh, j'ai oublié que vous ne fumiez pas. Oh, mais si, ça m'arrive. Oh. Vous avez peut-être envie de rentrer. Il doit s'ennuyer de vous. De quoi parlez-vous? Rien, pas d'importance. Oh, allons, il est un peu tard pour jouer au deviner. Vous ne m'en voudrez pas de m'affranchir? Non. Bah alors, pourquoi tout ce mystère? On est à Paris, pas au fond d'une province. Vous trouvez que c'est un peu tôt pour une jolie veuve d'avoir un amant? Allez, venez, essayez donc, c'est rien du tout. La troisième leçon, c'est pas mal, hein? Oh, formidable. Puis-je vous demander ce qui vous a amené à ces intéressantes conclusions? Oh, quelques menus détails, assez pour y voir clair. J'ai commencé comme reporter judiciaire. Et c'est encore cette cigarette qui vous travaille. Et la veste de cuir accrochée à la porte et d'autres petites choses encore. L'ensemble. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue à vous expliquer. La cigarette était à moi. La veste appartenait à mon mari. J'aurais peut-être dû la brûler. Non, je dois même dire que si je n'étais pas si bien renseigné sur vous, je trouverais ça très touchant. Vous devez avoir raison. Il vaut mieux que j'aille retrouver mon amant. Vous marquez un point. Garçon, un autre whisky. Et pour vous? J'en étais au gin and tonic, moi. Un gin and tonic. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Lisa, si je vous demandais de m'offrir un dernier verre, que répondriez-vous? Je répondrai non. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est pourquoi je ne vais pas vous le demander. Vinnie, il est tard. Et je travaille demain matin. Et quand vous reverrai-je? Je vous appellerai. Et on repart à zéro. Alors, Lisa, écoutez-moi un peu. Si jamais vous avez besoin d'une aide ou d'un conseil, ou si simplement vous vous sentez seul, ce qui semble peu probable, le docteur Partey est toujours disponible à la même adresse. Ciao. Au revoir. Cette alerte, venant après l'irruption de l'enfant dans la cuisine et plusieurs visites de la concierge, décide Bob à quitter la maison. Il fait sa valise, va loger dans un petit hôtel de Montmartre et ne correspond plus avec sa femme que par téléphone. Ayant ainsi pris secrètement rendez-vous, Bob et Lisa déjeunent 2 jours plus tard dans un petit restaurant discret. Jour. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Oui, sans culot de me demander 30 000 balles pour cette espèce de turn là-haut. Et si je ne donne pas demain, où se dehors? Il n'y a pas quelqu'un qui peut te les prêter? Je n'aurais pas les emprunter. J'ai reçu une lettre de la maison où tu travaillais. Oui. Ils disent... Chère Madame McLean, nous avons l'honneur de vous adresser 6 juin un chèque représentant les salaires qui restent dus à M. McLean au jour de sa mort. Soit 1057 nouveaux francs, 80 centimes. Bien aimable. Mais tu vois comme les choses s'arrangent au bon moment. Oui, laisse-moi finir. Nous profitons de cette... Ah, oui, c'est là. C'est avec regret que nous nous étions vus obligés de nous passer de ces services en raison des nouvelles lois sur l'emploi des étrangers. Oui, c'est tout. Tu ne m'avais pas dit qu'on t'avait renvoyé pour une affaire de caisse ou même pire que ça? Tu crois? Ah oui, mais ça c'était dans un sale moment quand je voulais rendre mon histoire aussi convaincante que possible. Pour autre chose, monsieur? Non, merci. Tu as un peu de monnaie, ce qui me reste est là-haut. Tu crois vraiment que tu peux tout te permettre, n'est-ce pas? Bah, on se défend comme on peut. Tu t'en vas déjà? Vers la civilisation, bien sûr, et me détestant encore plus. Alors, courage. Ça mérite bien un petit effort pour être débarrassé de moi. Lisa est à bout de patience. Alain n'étant plus là, la jeune femme pense avoir trouvé une amitié véritable en Denis Berthet. Celui-ci, en effet, s'il ne dissimule pas les sentiments que lui inspire Lisa, montre à son égard un attachement sincère. Ce soir, ils doivent dîner ensemble. Denis, qui est venu chercher Madame McLean chez elle, ne peut s'empêcher de céder à une certaine curiosité dans cette maison où il flaire quelques mystères insondables. Que voulez-vous savoir, juste? Oh, rien. Vous étiez amoureuse de lui? J'ai cru l'être pendant un certain temps. Un temps qui n'a pas dû être très long. Non, pas très. Mais on ne plaque pas tout parce qu'on commence à comprendre. On fait d'abord ce qu'on peut pour que ça marche. Ce n'est pas facile de dire « excuse-moi, j'ai fait une bêtise, ciao ». Mais pourquoi tenez-vous à le savoir? Parce que j'ai eu l'impression que vous aviez envie de me le dire. Quoi? Peut-être une autre fois, mais pas ce soir. Mais vous, ce ne serait pas votre tour de répondre à quelques questions? Moi? Bon, j'ai pas grand-chose à raconter. Jusqu'à présent, je me suis assez bien défendu de toute intégration. En termes diplomatiques, j'observe une neutralité bienveillante. J'en suis pas tellement fier, mais... Mais ça évite tellement d'embêtements. Jusqu'à présent, j'ai réussi, mais il ne faut jurer de rien. On n'est jamais à l'abri de rencontrer ce qu'on cherche, même quand on croit qu'on ne cherche pas. Ça veut dire? Ce que cela veut dire. Lisa, aussi bien que Denis, le sait parfaitement. De jour en jour, cependant, la jeune femme se montre plus nerveuse. Elle est décidée à quitter cet appartement où la vie pour elle devient intolérable. Mais alors même qu'elle fait ses valises, Bob survient, précédant de peu d'ailleurs le facteur qui demande Madame McLean. Qu'est-ce que c'est? Une lettre recommandée. Thank you. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? C'est gagné. Le chèque sera prêt demain matin. 60 millions de bons vieux petits francs. Bon, c'est plus le moment de faire ta valise, tu crois pas? Ce serait trop bête de ne pas profiter de tout ce fric après ce qu'on vient de passer ensemble. Parce que si tu pars, pourquoi veux-tu que je reste mort? Le pauvre amnésique n'a qu'à réapparaître. Et bras dessous, le charmant petit ménage McLean repart à zéro. Oh non, arrête, Bob, je me fous de ce que tu dis, j'en peux plus, Tanta, c'est fini, fini. Chérie, calme-toi, allons. Pas de quoi faire une crise d'hystérie, c'est fini, d'accord. D'accord, mais tâchons d'être pratiques. Demain, tu vas toucher le fric et ton rêve est réalisé. Fini, c'est promis, tu me vois plus, je te le jure. Je disparais dans les airs comme si j'étais jamais revenu. Comme si j'étais réellement un pauvre cadavre, éparpillé quelque part dans la campagne, pas loin de Bordeaux. McLean, McLean, McLean. Lisa est épuisée. Enfin, il semble que son martyr va prendre fin. Toutes les conditions étant remplies, elle se présente à la compagnie d'assurance et touche les 60 millions de la prime. Bob, qui l'attend dans sa voiture, exulte, tandis que Lisa, très nerveuse, prend le volant. Je t'avais dit que ça marcherait comme ça les roulettes. Où veux-tu que je te dépose? Va tout droit. Tu as ton passeport? Oui. Pourquoi? Ce qu'il te faudra à la frontière. Tu croyais tout de même pas que j'allais partir sans toi et te laisser à l'espèce de salaud qui croyait s'être trouvé une belle veuve joyeuse à consoler, non? Il en faut tout de même pas me prendre pour un imbécile. Descends. Mais voyons. Prends ton argent et va-t'en. Mais chérie, sans toi, je me fous pas mal de cet argent. C'est pour toi. Une petite compensation pour avoir épousé un malheureux petit raté. Tiens, regarde. Notre passage pour Rio. Attends un peu qu'on se pose à Copacabana, toi avec tes ziblines tombant jusqu'aux chevilles. Nous serons le plus beau couple de la plage. Bob, si tu ne descends pas tout de suite, je... D'accord, d'accord. Si tu le prends comme ça, parfait. Tu vois le flic là-bas? Je n'ai qu'à l'appeler et lui dire, parlons, monsieur l'agent, nous sommes monsieur et madame Robert McLean. Ma femme vient escroquer 60 millions de francs à une compagnie d'assurance. Moi, je voulais pas, mais vous savez comment sont les femmes, monsieur l'agent, elle m'a entortillé. Tu crois que je plaisante? Vas-y, essaie un peu. C'est toi qui as signé les papiers, qui as déposé sous serment, qui a touché le fric. Tu es bonne pour 15 ans. Alors qu'est-ce que tu préfères? La prison ou Rio? De toute manière, tu ne seras pas débarrassé de moi. Parce que dans 15 ans, quand les portes de ta prison s'ouvriront, tu m'en trouveras là, patient et fidèle. Alors quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Alors quoi, ma chérie? Tu n'as qu'à moi à dire. Allez-y, je vous dis. Excusez-moi. Allez, allez. Ah, j'étais sûr que tu finirais par être raisonnable. C'est ce que j'apprécie chez vous, les Italiens. Vous êtes tellement raisonnable. Prends les boulevards jusqu'à la porte de la chapelle. De là, on prendra la Nationale 1 jusqu'à la frontière belge. Devant l'ignominie de son mari, Lisa perd la tête. En pleine nuit, dans la campagne, à quelques kilomètres de la frontière belge, elle prend une route déserte, arrête la voiture. « Le pneu avant droit est crevé, dit-elle. Va voir. » Bob descend. Et tandis qu'il est accroupi devant la voiture... Mais qu'est-ce que tu fais? Trois fois, avec une rage déchaînée, Lisa a fait rouler sa voiture sur le corps de Bob. Après? Après, Lisa McLean ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Ce qu'elle a fait, ce n'est déjà plus tout à fait elle-même qui l'a voulu. Elle sait seulement qu'elle est revenue dans son appartement, que Denis est près d'elle. Denis, qui a appris des choses bien troublantes de ce gamin qui jouait au cow-boy dans les escaliers de l'immeuble et qui entrait par les fenêtres comme les cambrioleurs ou le Père Noël. Eh bien, vous ne voulez pas vous asseoir? Une tasse de café, peut-être. Ou bien vous préférez non, du thé? Est-ce que vous avez toujours votre porte-bonheur? Quel porte-bonheur? Le jumeau de celui-ci. Où l'avez-vous trouvé? Quelle importance? Je vous en prie, où l'avez-vous trouvé? Votre mari l'a perdu sur le toit il n'y a pas 15 jours. Vous m'avez pris pour un imbécile, hein? La cigarette allumée, la veste de cuir. Vous l'avez caché ici pour toucher l'assurance. C'est bien ça, hein? Je l'ai caché, moi. Ici? Bob n'est pas ici. Mais il y était il y a 15 jours. Où est-il? Caché quelque part en attendant qu'on lui apporte l'argent? Mais Bob est mort. Il est mort. Oh, voyons, ça ne sert à rien de mentir, Lisa. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Mais quoi? Pourquoi l'avez-vous fait? Je ne sais pas, Lisa, j'essaie de vous aider. Avez-vous touché l'argent? Oui. Non. Non, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Bon. C'est facile de contrôler, il suffit d'appeler l'assurance. Non, je vous en prie, par l'assurance. Alors, vous l'avez touché, qu'en avez-vous fait? Moi? Vous l'avez donné à votre mari? Bob? Oh non, Bob ne l'a pas. Alors, où est l'argent? Mais je... Oh, oui, un moment. Tenez, prenez-le, je n'en veux pas, je ne l'ai jamais voulu. Je me fous de savoir qui a monté cette escroquerie et comment vous y avez été mêlés. Mais si vous rapportez l'argent tout de suite, il y a encore une chance d'étouffer l'affaire. Et même s'ils veulent poursuivre, je vous trouve un bon avocat qui ira à l'assurance avec vous. Je vous en prie, ne me faites pas retourner là-bas. Vous pouvez y aller pour moi. Vous leur expliquerez que je suis malade, ou que j'étais appelée brusquement à New York, ou que la voiture est tombée en panne. Oui, c'est ça. Vous leur direz que j'ai un pneu à plat. Lisa, enfin, qu'est-ce que vous racontez? Quelle panne? Quel pneu à plat? Oh non, non. Je suis stupide, c'est vrai. Il ne faut pas leur parler du pneu à plat. Parce que ces gens-là ne sont pas mes amis. Mais vous, vous êtes mon ami, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre moyen. Ça aurait duré encore, pour toujours. C'est-à-dire tant qu'il était vivant. Et alors le pneu à plat. Enfin, il n'était pas vraiment crevé. Mais sans ça, comment le faire descendre de la voiture? D'abord, je voyais bien à travers le pare-brise. Et tout à coup, une pluie était là. La voiture a rebondi et rebondi et encore rebondi. Je ne crois pas qu'il restera dans la rivière. Mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle mon bureau. Oh oui, c'est vrai. Vous appelez toujours votre bureau. Oui. Je voudrais le nom du médecin qui a soigné Hélène. Tu as son numéro? Ça ne fait rien, donne-moi son nom. C'est l'avocat que vous allez appeler? Mm-hmm. C'est un bon avocat, c'est sûr. Oh oui, excellent. Vous savez, il faudra qu'il soit très fort, parce que Bob va mentir. Il leur fera son charmant sourire, et il les tournera tous autour de son petit doigt. Mais Lisa, vous venez de dire que Bob était mort. Oh oui. Mais il faut que l'avocat soit très très fort. Vous ne connaissez pas Bob. Il va promettre de partir. Donnez-moi seulement l'argent et je m'en vais. Mais il ne partira pas. Il faut être bien sûr que l'avocat comprend. Parce que vous savez, je n'aurai jamais la force de recommencer tout ça. Roger Régent et Jacqueline Adler vous ont présenté Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Le couteau dans la plaie, film d'Anatole Litvak. Avec Sophia Loren dans le rôle de Lisa McLean, Anthony Perkins, Robert McLean, Ging Young, Denis Berthet, et avec la participation de Jean-Pierre Aumont, Elina Labourdette, Pascal Robert, Jacqueline Porel, Mathilde Casadesus. Dans la version française, le rôle de Robert McLean est synchronisé par Jean-Claude Brialy. Celui de Denis Berthet par Claude Dauphin, tandis que Sophia Loren se doublait elle-même. Dialogue de Maurice Druon. Musique de Mikis Theodorakis. Commentaire radiophonique dit par Jacqueline Claire. Collaboration technique, René Relot. Ah.